Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour, bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Aujourd'hui, je reçois Laure Ducré et Émilie Guillaume pour parler esprit de compétition. Allez, c'est parti! Alors, bonjour Émilie, bonjour Laure. Le thème du jour, ça va être l'esprit de compétition. On est là pour parler de ça, mais je vais d'abord commencer par les présentations. Donc, je commence par la première à ma gauche. Émilie, vas-y. Allez, c'est parti. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc, Émilie Guillaume, j'ai vieilli depuis, j'ai changé de nom. Ah je m'appelle Elof. et donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de ma passion et mon esprit de compète lié à ma pratique quasi ancestral du foot. Ancestral, carrément. Ah oui, carrément. Alors vas-y, depuis quand ? J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. Ouais, donc en 1900, pardon. C'est ça, on était encore dans les années 1900. Aujourd'hui, étant donné que j'ai 26 ans, voilà, ça fait une petite vingtaine d'années. Ouais, ça fait quasiment 40 ans que je joue au foot. D'accord, voilà. 40 ans. Ouais, il y a eu des petites coupures quand même. C'est une passion qui dure. Alors, le nom de ton club, déjà pour commencer. Alors, j'arbore fièrement les couleurs de mon club, la SVH, Association Sportive de Velaine-en-Haye. Velaine-en-Haye, oui. D'accord. Donc, un club uniquement féminin ou il y a aussi des masculins ? Ah non, un club pas uniquement féminin, un club mixte. Club mixte. Mais tu es capitaine de l'équipe féminine ? De la section féminine. Ouais. De la section féminine. Exactement. D'accord. Il y a combien d'adhérentes à peu près d'un temps ? Alors, le club, il y a 150 licenciés et on est à peu près une vingtaine dans la section féminine. Une vingtaine, ouais. Donc, on est sur une petite... C'est récent, hein. On entamera là en septembre notre quatrième saison. Donc, c'est relativement récent. On est encore une section relativement jeune. D'accord. Alors, tu dis que c'est relativement récent, mais parce que du coup, si toi, ça fait 40 ans que tu fais du foot, tu joues avec les hommes ? Eh ben, j'ai commencé avec les garçons. D'accord. Eh ben oui, dans les années 80, pas trop de foot féminin. D'accord. Donc avant 98, pas trop de foot féminin. Donc j'étais toute seule au milieu d'un univers très masculin. Ouais. Donc équipe mixte ? Oui, équipe mixte. T'avais le droit de jouer quand même de temps en temps ? Équipe mixte de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Ah oui, d'accord. Mmh. Ok. Voilà. D'autres sports après, et puis à l'université... équipe de foot féminine en salle. Mmh. Voilà, donc j'ai parfait ma technique et ma rapidité d'exécution sur le foot féminin en salle. On a fait des championnats d'ailleurs ici à Nancy à plusieurs reprises. À l'époque, j'étais avec l'équipe de Metz. Mmh. Je m'en excuse platement. D'accord. On va pas le dire trop fort ici. On a fait des championnats universitaires de foot féminin en salle. On a perdu contre Nancy d'ailleurs en finale. Bon allez, ça va, on pardonne Metz. et après, je me suis. J'ai fait un peu de hand, j'ai fait du judo. J'ai fait beaucoup de ping-pong aussi, et puis université, sortir de l'université, je me suis mise un peu à la course à pied, mais ma voisine vous en parlera beaucoup mieux que moi, et je suis revenue au foot féminin il y a un peu plus de 4 ans maintenant, quand notre cher président Arnaud Demoulin a décidé d'ouvrir une section féminine. D'accord, et donc c'est lui qui s'est tourné vers toi, ou c'est toi qui t'es proposé ? Ah, c'était... au départ, un petit challenge. Je lui ai toujours dit, le jour où tu ouvriras une section féminine, je prendrai. Ouais. et c'était sur le ton de la blague. Et puis un jour, quand j'inscrivais mon fils pour le début de la saison, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, ça y est, j'ouvre une section féminine. Je pensais que c'était de la blague, mais c'était pas de la blague. D'accord. Donc ça, voilà, l'histoire a démarré, entre autres, comme ça, pour la SVH. Sur une... pas blague en fait. Sur une pas blague. Sur pas une blague. Pas blague. Sur un président qui ose et qui s'engage. Voilà, tient parole. On le salue, le président. On le salue, exactement. Alors, deuxième invité aujourd'hui, c'est Laurette Ducré. J'ai le droit au Laurette. Laurette pour les intimes, on va dire que tu es une intime. Voilà, merci Laurette. Bonjour Cécile, bonjour Émilie, bonjour à tous. Donc, je te laisse te présenter, Laure. Pareil. Alors, donc, moi, je suis sportive depuis assez longtemps, mais j'ai déjà testé d'autres sports avant la course à pied. Donc, maintenant, tu es coureuse. Donc, aujourd'hui, voilà. Plutôt course hors stade. Quel club ? L'Univille Athletic Club. Oh, le lac. Donc, le lac, voilà, à 20 minutes de Nancy à peu près. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par le karaté, la danse, voilà, j'ai essayé plusieurs sports. Et aujourd'hui, depuis 2016, je me suis mis à la course à pied. D'accord. Parce que il y a une raison particulière. Alors j'ai arrêté de fumer. J'étais une grande, j'étais une grande fumeuse, voilà. Et puis j'ai remplacé une addiction par une autre, en fait. D'accord. Voilà. Et mon mari aussi, avait rejoint le Lunéville Athletic Club, donc je l'ai suivi en fait dans sa passion. D'accord. Par amour. Voilà. Il m'a transmis sa passion. Donc au début c'était juste des footings et après je me suis mis je me suis prise au jeu et plus dans la compétition. Plus au jeu et donc dans la compétition, voilà. Et ça va rejoindre donc notre sujet du jour. Voilà, on peut commencer. T'as vu, je t'ai fait une belle transition. Ouais, c'est nickel. Super. Voilà, j'apprécie la passe. Je te remercie. Donc je commence tout de suite. Alors je repars sur Émilie parce que pour alterner un petit peu le discours. C'est quoi ta définition de l'esprit de compétition ? L'esprit de compétition, c'est en fonction de nos capacités du jour et du moment de la compétition, de faire du mieux qu'on peut et de donner tout ce qu'on a pour être le plus performant possible, d'abord vis-à-vis de soi, j'ai envie de dire. Enfin, c'est plus lié à ma vision de la pratique du sport aujourd'hui. Vis-à-vis de soi, ne pas se trahir, aller jusqu'au bout de ce qu'on peut donner au moment de la compète. Et si on peut passer devant les autres, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Donc, je te pose la question quand même, par oui ou par non, est-ce que tu as l'esprit de compétition ? Carrément. Oh, carrément. Carrément, carrément. Oui. Oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Donc, Laurette, pareil, quelle est ta définition à toi d'esprit de compétition ? Alors, déjà, par rapport au regard de la société, je dirais que l'esprit de compétition est assez mal vu. Je trouve, on n'ose pas forcément le dire qu'on a l'esprit de compétition. Parce que tout de suite, les gens pensent plutôt au combat, à l'agressivité. Ouais. Alors qu'en fait, je pense que c'est plutôt... moi, je vois ça plutôt comme un esprit de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Mmh. Et c'est se battre, en tout cas pour moi, c'est se battre contre soi-même. C'est avoir envie de donner le meilleur de soi. Et se donner, moi, ce que j'aime bien dans la compétition, c'est se donner des objectifs. Oui. Tout faire pour atteindre ses objectifs, ouais. Tout mettre en place. En fait, c'est ce qu'on met en place avant pour arriver à son but. Mmh. Et à chaque fois, essayer de faire encore mieux que ce qu'on a fait avant. Pour moi, c'est ça la compétition. Ouais. D'accord. Et même question, est-ce que tu as, selon toi, l'esprit de compétition ? Du coup, j'ai l'esprit de compétition, mais je tiens à dire que c'est sain et c'est positif. C'est sain et positif. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, ma seconde question, c'est... vous êtes plus ou moins raccord, je pense, sur la définition. Mmh. Vous êtes tous les deux d'accord sur le fait que vous l'avez, l'esprit de compétition. Mmh. Est-ce que, selon vous, c'est inné ou acquis ? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes né comme ça ? Est-ce que ça se travaille ? Est-ce que vous l'avez acquis au fur et à mesure de votre expérience, de vos expériences de vie, de vos expériences sportives, ou est-ce que c'était dès la maternelle, il fallait être devant, quoi ? Alors, moi, ça remonte. J'arrive pas à me souvenir quand j'étais petite, mais en tout cas, je fais le rapport avec le milieu professionnel. J'ai toujours eu de l'ambition, envie de me dépasser, envie d'aller plus loin. Ça remonte à loin. Ça remonte assez à loin, mais je pense que ça se développe aussi avec les années. On prend confiance en soi. Mmh. Et le sport aide à ça. Et on peut le transposer justement après dans le milieu professionnel. On prend confiance en soi, on se dit « je suis capable, moi aussi je peux faire des choses en me donnant les moyens ». Donc il y a de l'inné, il y a de l'acquis. C'est-à-dire il y a les deux. Il y avait des prémices au départ, il y avait un terrain quand même, mais tu estimes que tu as plus l'esprit compétition que quand tu étais petite ? Oui, ouais. D'accord. Mmh. Ok. Émilie ? Moi, je dirais que j'ai un peu le même. Alors, il s'est un peu modulé avec les années. Mais quand je suis sur le terrain, j'ai toujours l'impression d'avoir 6 ans. C'est venu... Alors, peut-être que c'est lié à la pratique du foot, d'ailleurs. C'est peut-être pas anodin d'avoir pratiqué un sport de garçon dans un univers de garçon dès l'âge de 6 ans. Et d'avoir dû, ou d'avoir en tout cas eu le sentiment d'avoir dû prouver ma valeur et le fait que je pouvais être, finalement, moi aussi, compétitive. Ouais. Même si je ne suis pas un garçon. D'accord. Et ça m'a donné envie de dire « Ok, moi je suis une gonzesse, mais vous allez voir de quel bois je me chauffe. » Donc ça a commencé dans la cour de récré, donc chez moi ça a commencé très tôt, je dirais vers l'âge de 6 ans. D'accord. Et j'avais la gagne en fait, j'avais envie de prouver ma valeur, de prouver que j'avais le droit de faire partie de l'équipe. Ensuite, j'ai fait partie de l'équipe et une fois que j'ai fait partie de l'équipe, pour moi, next step, c'était de marquer des buts, parce que j'ai toujours joué en attaque. Donc, c'était de marquer et de dire, OK, la fille est capable de marquer des buts. Parce que j'étais identifiée partout dans les championnats comme étant la fille. J'étais la seule. On était en 86, 87. Partout où on allait jouer en Meuse, à l'époque, j'étais à Pagny-sur-Meuse. Partout où on allait, quand on faisait le championnat avec mes coéquipiers, j'étais la fille. Donc ça me donnait aussi l'envie de me dépasser et de prouver que... que ma condition de fille ne déterminait pas forcément mon niveau sur le terrain. Donc il y a de l'acquis. Alors là, pour le coup, il y a vraiment de l'acquis. C'est le milieu environnant qui a fortement joué. Ouais. Et puis, de toute façon, voilà, moi je, grande partie de dîner aussi, malgré tout, parce que j'ai quand même toujours eu la gagne. Ouais. J'ai appris à perdre à 25 ans. Quoi. Avant, c'était pas possible pour moi. Ouais. Alors ça, on y reviendra après. Mais je te remercie pour la passe quand même, parce que ma question suivante, c'était, selon vous, est-ce que les hommes ont plus d'esprit de compétition que les femmes? Alors, moi, je dirais que... Je me permets... Vas-y, Laure. Je dirais que au fil des années, les femmes se sont autorisées à être plus dans l'esprit de compétition. D'accord. Parce que c'était pas gagné quand on regarde quand même, il y a des millénaires, on associe la femme à la douceur, la femme doit enfanter, enfin voilà. C'est vraiment le stéréotype de la femme. Au fur et à mesure des années, on a acquéri des droits quand même. On a eu le droit de vote, on a eu plein de choses comme ça. Il y a eu la première femme qui a couru le marathon. Oui, tout à fait. J'ai honte ouais. parce que je ne sais plus son nom, mais à l'époque, on n'avait pas le droit de courir un marathon quand même, faut se le dire. Donc aujourd'hui, on s'autorise plus à avoir l'esprit de compétition. Et donc, alors 2025, t'estimes que les filles ont autant l'esprit de compétition que les hommes? Où il y a encore un petit peu... Il y a des grandes avancées, franchement. Des avancées, mais ça reste inégal ou pas, selon toi? Je vois plus trop l'inégalité, notamment sur les marathons. Quand on voit le nombre d'inscrits, de femmes inscrites, il y en a de plus en plus. Donc, je n'ai pas l'impression non plus qu'on rencontre des freins. Après, sur les courses, parfois, quand je suis devant un homme, où j'arrive à son niveau près de la ligne d'arrivée, je le vois me regarder et je vois quand... Des fois, je me dis, il a les boules. On est d'accord. Mais je me laisse pas faire, je vais jusqu'au bout et voilà. Alors, est-ce que ça te motive plus si t'es... comment dire, potentiellement, tu peux rattraper l'autre de devant. Est-ce que t'as plus la niaque si c'est un homme que si c'est une femme? Ouais, je pense, oui. D'accord. Et toi, Émilie, du coup, t'en penses quoi? C'est homme-femme? Moi, je dirais que c'est... je le vois, pareil, beaucoup par le prisme du sport et aussi par le prisme des conquêtes sociales qu'ont fait les femmes depuis 1945 jusqu'à maintenant. Effectivement, une femme qui a l'esprit de compétition et qui est revendicatrice, c'est souvent pointé du doigt. Enfin, c'était souvent, il y a peut-être 30, 40, 50 ans, très pointé du doigt. Et je dirais que, quelque part, la médiatisation du sport, peut-être que le fait d'avoir porté aussi l'égalité homme-femme sur la place... public et dans le domaine professionnel, a permis aux femmes d'incarner et d'assumer cet esprit de compétition. Mais je dirais que la médiatisation du sport féminin a contribué aussi à diffuser, peut-être dans l'inconscient sociétal collectif, cette idée de femme qui serre les poings, de femme qui a des muscles saillants sur les bras, ou qui a la rage, ou qui crie, ou qui exulte. C'était des images que avant les années 80, on voyait pas si souvent que ça. Et je trouve que c'est probablement la médiatisation télévisuelle plus aujourd'hui réseaux sociaux qui a aidé à coller cette image finalement de compétitrice. Si je pousse le vice, j'irais presque guerrière. Ouais. C'est possible aussi. On est aussi ça, les femmes. On est aussi ça. De ton expérience personnelle, donc vu que tu étais en équipe mixte avant, donc avec des hommes, t'as eu une période où il y avait éventuellement deux femmes dans l'équipe ou pas? Non. T'as toujours été la seule? J'ai toujours été la seule. Et maintenant t'as une équipe féminine. Oui. Donc tu côtoies des femmes. Et comment tu le sens? Est-ce que les hommes, ils avaient quand même plus l'esprit de compétition, la gagne? Ou est-ce que ça se vaut dans l'équipe féminine ou pas? Est-ce qu'il faut aller la chercher? Est-ce qu'il y a encore des freins quand c'est une équipe uniquement féminine? Je dirais que c'est un travail. Après, je vois ça aussi. Il y a le prisme de l'âge qui est un filtre supplémentaire pour moi. Aujourd'hui, la plus âgée de l'équipe sur le terrain, c'est moi. Ouais. Donc, j'insuffle et j'essaye d'insuffler aussi à mes coéquipières plus jeunes ou celles qui ont mon âge, cette gagne, en fait. Donc, je parle, je crie beaucoup sur le terrain. Certaines l'ont en elles, mais elles ne le savent pas encore. D'accord. Et moi, je le vois et j'essaye de pousser pour que ça sorte et que ça soit assumé, en fait, tout simplement. Ça ne se matérialise pas de la même manière chez les femmes que chez les hommes. Pour moi, dans mon vécu footballistique, c'est plus exacerbé, plus naturel chez un homme. C'est plus quelque chose à assumer chez une femme. D'accord. C'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Ok. Alors, On a vu un petit peu les présentations. On va faire une petite pause musicale. Du coup, ben, Émilie, je te laisse faire ta petite dédicace. Alors, je voulais faire une dédicace à toutes les filles du club, à mon coach Seb et à notre cher président Arnaud. Les filles, elle est pour vous, celle-là. Chanson de Imen S et Alonso, qui est une chanson de vestiaire qui nous tient beaucoup à cœur, qui est liée à notre premier titre collectif ensemble conquis à notre première saison d'Interdistrict. Petit génie. Merci. C'est dommage pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Même devant le miroir, y'a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher, mais y'a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce. Tout le temps, elle parle d'amour, elle fait jeune tout pour nous. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. Oh. J'arrive et tout s'éteint, tout est plein, tout est plein. Fais en un, je suis pas au Malais. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler, mais je suis légendaire comme Pépé Calé. C'est pas comme ça. Moi nana chica comme ok, si me collé. Oh yeah, oh yeah. Moi nana chica comme ok, si me collé. Oh yeah, oh yeah. Moi nana chica comme ok, si me collé. Oh yeah, oh yeah. Moi nana chica comme ok, si me collé. Pas de sentiments, c'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage que mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Retour dans Défi Sport, toujours avec Émilie et Laure. On continue de parler esprit de compétition. Donc, on était sur la gagne, la définition de l'esprit de compétition qui était la gagne. Toutes les deux, vous êtes d'accord sur ce point. Et du coup, ben, y a la gagne et il y a quand on ne gagne pas. Donc, ma prochaine question, ça va être, quelle est votre tolérance à l'échec? Alors, Laure, je te pose la question. Déjà, est-ce que tu as connu des échecs? C'est quoi pour toi un échec? Parce qu'en course à pied, un échec, c'est quoi? C'est un chrono qu'on ne réalise pas? C'est une perf moins bonne que ce qu'on espérait? Alors, pour moi, j'ai plusieurs objectifs en fonction des courses. Hmm? Quand c'est une course roulante, ouais, que j'ai comme objectif, j'ai un objectif chrono. Ouais. Quand c'est, par exemple, une petite course, je sais qu'il y a moyen d'avoir un podium. D'ailleurs, ouais, je connais, je fais souvent les mêmes courses, donc je sais à peu près sur quelle course je fais les podiums. Et donc là, ça va être plutôt un podium. Et sur, par exemple, le marathon, moi, ce que je me fixe comme objectif, donc, c'est à la fois le chrono. Et ce que j'aime bien, c'est regarder les niveaux FFA. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, tu as le niveau régional, niveau interrégional. Ça, c'est, je vise ça également. Donc, la question, c'était comment je le vis si je n'atteins pas c'est quoi mes pour objectifs. Toi, alors, déjà, c'est quoi pour toi un échec? Du coup, c'est est-ce que si le objectif non atteint, que ce soit le niveau ou le chrono, on est d'accord? Voilà. Comment tu le vis? Comment, alors, j'ai la chance ces dernières années, parce que je me suis mis tard à la course à pied, je m'y suis mis donc. Je suis en club depuis 2018. Je fais que progresser depuis. Donc, j'ai pas eu affaire à des échecs trop récemment. S'il y a une course récemment, c'est la course. J'ai le droit de nommer la ouais, course sûr, pour, oui. pour les locaux, la Saint-Max. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent, moi, il y en a plein qui arrivent à voir les chronos sur cette course. Moi, je n'y arrive pas parce que j'ai une difficulté, c'est les côtes. Alors, j'en fais à l'entraînement, ouais. mais les courses où il y a des côtes, voilà, ce n'est pas mon point fort. Donc, je l'ai fait dernièrement et je n'ai pas été contente du tout de mon chrono. En plus, tu connais un peu à force les gens de ton niveau. Oui, tout à fait. Et voilà, il y a des personnes qui étaient derrière moi, normalement, qui étaient là, qui étaient devant moi. Alors, donc, ben justement, c'est la question. Comment tu le vis? Compétition. Comment tu le vis? Comment Alors, tu le gères? Il y a deux choses. Je suis quand même contente pour les personnes que je connais qui ouais. sont devant moi. J'ai un esprit de bienveillance quand même. Mais sur le coup, il faut que je digère l'information. C'est compliqué sur le moment. Mais après, je prends du recul. Avec l'expérience, j'arrive à prendre du recul et à me dire, eh ben, c'est tout, je ferai mieux la prochaine fois. Alors là, par contre, ce que je me suis dit pour cette course-là, c'est je viendrai pour encourager. pour encourager mon mari et les copains. Mais moi, je ne la ferai peut-être pas forcément à nouveau. Ça fait plusieurs fois que je la fais, je n'y arrive pas. Donc, mais c'est une super course. Hein, attention, les organisateurs sont top et tout. Allez-y. Voilà, mais donc, voilà comment je gère l'échec. T'es pas mauvaise perdante, vu que tu as dit que t'étais contente. Non, c'est par rapport à moi. Ouais. Par rapport à moi, c'est pas du tout. En plus, voilà, j'essaye quand même de, au fur et à mesure des années, être bienveillante envers moi, à arrêter de me mettre de la pression. Et si j'y arrive pas, je me dis que ça sera pour la prochaine fois. Et voilà. Donc, je reste pas sur l'échec. D'accord. Mais sur le coup, c'est difficile. Faut pas trop venir me parler après la course. Ou alors me faire des blagues pour me détendre. Voilà. Et toi, Émilie? Moi, je te l'évoquais tout à l'heure. Oui, c'est pour ça. Ouais. J'ai appris, le jour où j'ai appris à perdre, d'ailleurs, je m'en souviens, c'est la première fois où j'ai pris, je vais pas dire bien, une défaite, mais où ça m'a moins rongé qu'à l'habitude. C'est le jour de cette fameuse finale régionale de foot féminin en salle, ouais. championnat universitaire. Et donc, on perd contre Nancy. Moi, je joue dans l'équipe de Metz. Et en fait, l'intégralité de mes coéquipières pleurent. D'accord, ouais. Vraiment, sont en larmes. Ouais. Et moi, qui suis pourtant quelqu'un de relativement émotif, en fait, je les réconforte. Et là, je me dis, ce jour-là, ouais, en fait, tu peux perdre. Mais gagner de l'autre côté. Et quand même tirer certains profits, en tout cas un certain nombre d'enseignements de cette défaite. Et pourquoi j'étais pas déçue? Parce que je savais qu'on ne pouvait pas plus, ouais. qu'on n'aurait rien pu faire de plus parce qu'elles étaient largement plus fortes que nous. Donc il y a un moment, quand l'adversité surpasse notre propre niveau, ouais. mon propre niveau, c'est voilà, en course à pied, vous le vivez aussi. C'est le jeu, quoi. Il y a un moment, tu peux pas plus, t'as atteint ton max, t'as tout donné. Et elles étaient plus fortes, il faut juste le reconnaître et se dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu et qu'on a pris du plaisir dans ce qu'on a produit. Et c'est ce que j'essaye encore de transmettre aujourd'hui, même si avec l'âge par contre, et dans le foot féminin là aujourd'hui, j'ai plus de mal à gérer la défaite. Ah ouais, avec l'âge tu gères moins bien. Parce que peut-être le fait que j'ai le brassard autour du bras, fait que je sens une responsabilité différente sur des choses que j'ai ratées, des passes que j'ai mal faites. Des frappes que j'ai pas cadrées, des buts que j'aurais pu marquer, dû marquer. Donc c'est pareil, il faut pas trop me chauffer, pas trop venir me parler. Je suis capable de rentrer la première dans le vestiaire, de rester dans le noir et d'attendre que les autres arrivent. Parce d'accord. que il faut que je digère un petit peu avant de pouvoir m'exprimer et parler aux autres. J'ai un petit temps de digestion aussi. D'accord. D'intériorisation de la chose. Ok, ok. Ouais. Faut digérer. D'assimilation. Ça ouais. se digère, mais ça prend un petit peu de temps. Ça prend un peu de temps. D'accord. Mais après, voilà, oui, on relativise. Vous n'êtes pas mauvaise perdante non plus, quoi. C'est un jeu, hein. Non, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. C'est un jeu, carrément, c'est un jeu. C'est même pas un sport, c'est un jeu. C'est un jeu. Le foot est d'abord, d'abord un jeu. À mon niveau, c'est un sport, évidemment, c'est un sport avec tout. Tout ce qu'on en connaît de médiatique, de financier, de marketing, tous les enjeux qu'on lui connaît, le foot, mais c'est, pour moi, ça doit d'abord rester un jeu. On joue, on s'amuse, on est là pour s'amuser, ensemble. Alors, Donc toutes les deux, on a bien compris que vous êtes hyper. J'ai le droit de dire hyper compétitrice. Allez, ouais, compétitrice ouais, toute seule. Vous assumez, il y a pas de problème. Moi, j'assume. C'est positif. Oui, ouais, c'est positif. Alors, est-ce que c'est dans tous les domaines en fait alors le sport, on a bien compris, mais est-ce que professionnellement, c'est pareil, vous êtes compétitrice? Est-ce que dans la vie familiale, vous êtes compétitrice? Alors professionnellement déjà. Professionnellement, alors pas envers mes collègues, pas du tout. Non. Plutôt envers moi-même. Ouais. Plutôt dans l'esprit, voilà, j'ai toujours envie de faire mieux, j'ai envie d'évoluer, j'ai de l'ambition, ça c'est la corrélation qu'on peut faire. C'est de l'ambition, c'est pas de l'esprit de compétition, c'est de l'ambition. Non, c'est presque, okay, plutôt, ouais, non, pas compétition, non. Émilie ? J'ai eu l'esprit de compétition dans mon travail, j'ai bossé 20 ans dans le commerce, chez Decathlon, chez H&M. Ah, pour le coup, c'est recherché en fait. Et en bijouterie, ouais. Et avoir l'esprit de compétition, avoir envie de gagner, avoir envie d'être les meilleurs. Et collectivement, d'aller, ben voilà, d'aller conquérir un challenge commercial ou faire une meilleure progression de chiffre d'affaires, c'était des qualités qui étaient plutôt recherchées dans mes précédents postes. Aujourd'hui, je travaille à mon compte, je suis formatrice indépendante. L'esprit de compétition, envers moi-même, j'ai une exigence envers moi-même dans ce que je propose à mes clients. Mais voilà, je n'ai personne à dépasser ou à battre, si ce n'est... atteindre l'objectif fixé par le client et faire passer un bon moment pédagogique à mes participants. Oui, je pense que voilà, ça dépend du métier que tu occupes. Peut-être que j'occuperai un autre métier, peut-être que je l'aurais. C'est vrai que moi, je suis chargée de communication. Ouais. Donc mes homologues, ils font le même travail que moi. Enfin, on est plutôt dans l'entraide, dans l'esprit d'équipe. Ouais. Enfin, il n'y a aucune compétition. D'accord. Et familialement, est-ce que vous avez des frères et sœurs qui pratiquent? Est-ce que Laure, t'as une belle sœur au hasard qui alors pratique moi, alors moi, je suis le petit pioupiou de la famille. Hein, quand on me demande, alors tu t'appelles Ducret? T'es de la famille de Blandine Bissner Ducret. On me le demande constamment. Je précise tout de suite que je ne suis pas du tout du même niveau. Donc, ma belle-sœur a participé aux JO dans les années 90, pour ceux qui connaissent. Elle a un énorme palmarès à son actif. Et moi, je suis plutôt énormément dans l'admiration. Parfois, c'est soit on me le dit et je précise, donc je ne suis pas du même niveau. On ne me le dit pas parfois et je précise, je suis la belle-sœur. Tu connais ma belle-sœur qui est dans le... Du coup, je suis fière. C'est fière. Ah, c'était ma question. Il y a, comme ce n'est pas le même niveau, en fait, ouais. À aucun moment donné, il n'y a pas de jalousie, il y a des choses comme ça. Non, c'est une grande fierté pour moi. Ouais, j'ai pareil, j'ai mon neveu, donc le fils de Blandine qui est au centre de formation de la SNL. Pareil, c'est une grande fierté aussi pour la famille. Voilà, moi j'ai mon fils aussi qui fait du foot, je suis contente. Et puis le grand, c'est plutôt musculation. Mais ouais, c'est un esprit sportif dans la famille, mais il n'y a aucune compétition. J'ai mes belles-sœurs qui courent également. Alors, on parle de Blandine parce qu'on m'a bien aidée, on m'a bien soufflé le nom. Tu dois savoir de qui je parle. Et donc, ma question, c'est que... Alors, Blandine, apparemment, est engagée un petit peu contre la lutte contre le dopage. C'était engagée sur la lutte contre le dopage. Oui, ouais. Et alors, quand on donne la définition du dictionnaire par rapport pour l'esprit de compétition, c'est pulsion qui pousse certaines à tout donner pour gagner. Donc, c'est la victoire à tout prix. Donc la première question, c'est jusqu'où vous seriez prêt à aller pour gagner? En fait, est-ce que vous seriez prêt à faire... Alors, tu veux savoir si on prend le PO, c'est ça? Alors, ouais. Pas tout de suite, c'est la suite. Oui. C'est juste, quel ajustement dans votre vie vous seriez prêt à faire au niveau, je sais pas, de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, jusqu'où vous seriez prêt à aller pour gagner? Bah, après, il y a peut-être des choses qui sont déjà mises en œuvre. Ça passe effectivement sur les sports d'endurance, alors peut-être moins sur le foot, même si je pratique aussi la course à pied, alors pas au même niveau que vous, mesdames. Voilà, certes, mais dans la course à pied, il y a un certain nombre de protocoles et de choses à mettre en place en termes d'alimentation, en termes de sommeil, en termes de récupération, en termes de charge d'entraînement. Je pense que ça fait partie... des choses que, quand je cours, j'ai envie de mettre en place pour me donner le maximum de chances d'y arriver. Sur le foot, c'est entretenir ma condition physique, mon foncier, donc faire de la course à pied pour être endurante sur le terrain, parce que je joue en numéro 10, donc je suis au milieu de terrain, c'est moi qui distribue le jeu, je cours beaucoup, je reviens défendre, je participe à la construction des attaques, donc il faut que je tienne aussi physiquement, parce qu'il y a quand même un certain nombre de courses... à une intensité certaine. Donc, il faut les répéter pendant 70-75 minutes. Donc, c'est mettre en place un protocole alimentaire, le sommeil, l'hygiène de vie, etc. Je dirais que ça fait partie des choses que je, voilà, que je fais quand même relativement régulièrement pour tenir bon sur la durée. Et après, si on, si on parle du terrain et de la compétition, moi, je suis prête à tomber dans les vapes et voilà. à vomir à la mi-temps pour aller chercher la victoire. Chercher, d'accord. Ça sera des choses qui sont en nous, c'est-à-dire en moi et en mes coéquipières, dans l'équipe qu'on va chercher à susciter, à générer. Mais même si ça fait partie aussi du foot, mais pas en tout cas du foot féminin tel que nous, on le vit chaque week-end, pas à tout prix, non, pas au détriment de l'adversaire, pas en valorisant la triche, pas en étant fourbe, pas en insultant, pas en dénigrant, pas... c'est nous. Je considère que ce qu'on fait nous appartient et que pour aller chercher la victoire, on a toutes les armes qu'il faut en nous. D'accord. Mais sortir du cadre des règles, pour moi, en termes d'éthique, c'est pas possible parce que je trouve que c'est pas loyal et à ce moment-là, ça mettrait de l'injustice dans le jeu et je ne supporte pas l'injustice. Dans le sport, il y a des règles et je joue avec les règles. On se bat tous avec les mêmes règles. Laure ? Alors moi, j'adore faire attention à tout ce qui est alimentation, tout ça. Tout mettre en place. Alors c'est surtout en période de compétition. Là, depuis mon marathon, je me laisse un peu de mou. Je fais surtout des petits footings. Je m'entraîne plus trop sur la piste. Même plus du tout, il faut que je m'y remette. mais en période de compétition, j'aime bien faire attention à mon alimentation. Notamment l'apport en protéines. Mais je ne suis pas non plus dans l'excès, comme on peut voir, j'ai vu dans certains podcasts, des personnes qui pèsent leur alimentation. Enfin, voilà. Je ne suis pas là-dedans, mais par contre, je vais faire attention à manger plutôt des œufs, de la viande rouge, enfin, des aliments riches en protéines. Et puis, je vais faire aussi du gainage, du renfo. Ouais. Mais tu n'es pas prête... prête, visiblement non, mais je veux dire, est-ce que ça t'a effleuré l'esprit ? Est-ce que tu as pensé éventuellement à te dire, tiens, le produit là, enfin, ce truc là, éventuellement, ça peut m'aider ? Non, déjà, j'aurais trop peur de me faire attraper. D'accord, ouais, ok. Non, je suis trop honnête, non, je pourrais pas. Mais par contre, je vais prendre des compléments alimentaires comme les pots de protéines, là, ça j'aime encore bien. En plus, j'ai vu que c'était assez naturel. Enfin voilà, donc non, j'aime bien ce qui est naturel. Et donc, sinon, le dopage en général, si tu apprends que potentiellement des gens qui sont devant toi, tu découvres qu'il y a dopage, c'est ça te mord de toi. Après, ou pour des personnes qui sont comme nous, plutôt dans le sport amateur, je dirais que c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils se gâchent la santé pour pas grand chose. Après, pour moi, je suis un peu une groupie. Par exemple, j'aime bien Alice Finot, Aurore Fleury, j'aime bien toutes des personnes comme ça, je les suis activement sur les réseaux sociaux. Si je découvrais ça, bon, je serais un peu déçue quand même, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je serais un peu déçue, ça gâcherait un peu l'image qu'on a de... Alors, voilà, donc ça c'est l'extrémité dopage. Y a aussi, donc, dans le côté tout pour gagner, il y a le côté rivalité. C'est-à-dire... À quel moment de l'esprit de compétition on passe à la vraie rivalité ? C'est-à-dire, alors, il y a Émilie, la question, je vais l'orienter vers toi, c'est par rapport à tes coéquipières. Oui. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, il y a une petite rivalité dans les filles quand même ? Entre coéquipières, non. En tout cas, dans mon club, non. On est un club, au-delà de l'enjeu sportif et des résultats, on est un club citoyen, un des clubs phares du Grand Est dans l'esprit citoyen, dans la promotion du foot féminin. Donc, il y a pas de... L'esprit du club, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que je m'y sens bien et que la majorité d'entre nous et mes coéquipières souscriront à ce que je dis, s'y sentent bien aussi. Il n'y a pas d'esprit de compétition entre nous. On n'a pas les mêmes postes, on n'a pas le même passé sportif. Et ce qui nous semble intéressant, c'est que chacune... puisse trouver dans la pratique collective ce qu'elle vient y chercher. Et ça, on le respecte. Il y en a qui vont chercher la gagne, il y en a qui vont chercher le lien social, il y en a qui sont contentes de venir avec leurs copines, il y en a qui sont contentes de découvrir le foot, parce qu'il y en a qui découvrent le foot et la compétition collective féminine. Donc ça, je le respecte, et ça ne génère pas de compétition entre nous. Là où ça génère de la compétition, c'est vis-à-vis d'un certain nombre, c'est pour ça que je souris, d'équipes adversaires avec lesquelles on a un petit challenge. On a un petit passif sur les résultats ou sur la manière dont certains matchs peuvent s'être déroulés par le passé. Donc là, oui, Là, il y a de la rivalité. Là, il y a de la rivalité, ouais. Ouais. Et toi alors, donc du coup, sur des courses, quand tu dis normalement des personnes qui sont derrière moi et qui sont devant, bon, ok, je suis contente, mais alors on se connaît entre dans les courses locales, on sait à peu près les autres féminines qui sont de notre niveau. Hein. Ça dépend si les personnes, c'est des personnes avec qui je papote tout le temps, que je les trouve sympathiques et tout, je vais plutôt être contente pour elles. Il n'y a pas de souci. C'est des personnes que je trouve moins sympathiques, je suis honnête. Je vais avoir la rage si elle est devant moi, la prochaine fois je serai devant elle. D'accord. Et donc, alors pendant la course, par contre, il n'y a plus de copines. Bah non, t'as bien vu sur la marche. Hein. Parce qu'on a fait la marche athlétique au Interclub. Ça règle des comptes en direct. Bravo, mesdames. Alors j'aurais pu dire, allez, on le fait ensemble d'un côté de l'autre, mais non, moi je m'étais dit, déjà mon objectif c'était, je fais la marche, c'est pas ma spécialité. Je ne vais pas être dernière. Donc voilà, donc j'ai tout donné pour ne pas être dernière. J'étais pas dernière. T'étais pas dernière non plus. Hein, voilà. Mais sinon, pour en revenir à cet esprit de compétition, bah non, regarde, ce que je te disais, je suis super admiratif. T'étais en 2 ans, la progression que tu as eue, c'est phénoménal. Et bah, moi, ça m'inspire plutôt qu'autre chose. Je me dis, bah, pourquoi pas moi, ça se trouve, dans 2 ans, pareil, je pourrais arriver. Ah oui, tout à fait. Ouais, mais il n'y a pas de ressenti en se disant, on était. Il faut que je lui passe devant. C'est plutôt inspirant. Bah, ça dépend des 4 personnes que je te dis. mais si, ouais, des fois, c'est un petit challenge, mais c'est toujours sympa. Il y a même des hommes que je connais qui sont à peu près de mon niveau. Et ouais, il y a toujours un petit challenge, mais ça reste toujours gentil. Gentil. Quand même. Ouais. C'est un fond gentil. Mmh, ouais, une bisounours. Défi sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. Eh bien, merci Laure, merci Émilie pour vos témoignages. On se retrouve le mois prochain pour Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Merci à toi pour ton invitation. Merci Cécile, merci Laure. À bientôt.